En l'honneur de Kim Yong-nam, président du Présidium de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée, en visite officielle dans son pays, le président équato-guinéen Obiang Nguema Mubasogo a offert le 21 au palais présidentiel un banquet. Y ont été invités le vice-ministre coréen des Affaires étrangères, Shin Hong-chul, l'ambassadeur coréen dans ce pays, Kwak Ji-hwan, et autres membres de la délégation coréenne. Y ont pris part du côté équato-guinéen le premier ministre Vicente Eate Tommy, les présidents du Sénat et de la Chambre des représentants, les fonctionnaires gouvernementaux et les représentants diplomatiques de divers pays en Guinée équatoriale.